Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 118. De l'avarice. En quoi consiste l'avarice? Sa gravité. Pourquoi elle est un péché capital? Vice qui en découle. 1. L'avarice est-elle un péché? Nous lisons dans saint Paul que votre vie soit exempte d'avarice, soyez content de ce que vous avez. Hébreux 13, 5. Les biens extérieurs ne sont utiles que pour arriver à une fin à laquelle ils doivent être rapportés dans une juste proportion. Cette fin, c'est que chacun vive honnêtement selon son rang. Le bien réel de l'homme consiste, à cet égard, dans une certaine mesure exempte de faute, et le péché commence là où la mesure est dépassée, ce qui a lieu quand on veut acquérir ou retenir les richesses d'une manière désordonnée. Voilà pourquoi l'avarice, que l'on définit un amour déréglé des biens terrestres, est notoirement un péché. 2. L'avarice est-elle un péché spécial? L'apôtre range l'avarice au nombre des péchés spéciaux, en écrivant, homme rempli d'iniquité, de malveillance, de fornication, d'avarice. Romains 1, 29. Là où nous voyons un bien particulier vers lequel les hommes se portent avec un amour désordonné, là nous devons distinguer un péché spécial. Or autre est la nature des biens utiles, autre la nature des biens délectables. Les richesses étant par elles-mêmes un bien utile, puisqu'on ne les désire que tant qu'elles peuvent servir à nos usages, l'avarice, considérée comme l'amour désordonné de l'argent, est un péché spécial. Bien que sous ce mot on comprenne parfois le désir immodéré de posséder une chose quelconque. Note. Dans ce dernier cas, on se sert plutôt des mots cupidité et concupiscence. Fin de la note. 3. L'avarice est-elle opposée à la libéralité? L'avare, nous dit l'Écriture, n'est jamais rassasié d'argent, et il ne retire aucun fruit de ses richesses. Ecclésiaste 5, 9. Il est assurément contraire à la libéralité de n'être jamais rassasié d'argent et de s'y attacher d'une manière immodérée. L'avarice fait tomber dans deux sortes d'excès à l'égard des richesses. L'un consiste à violer les lois de l'équité pour les acquérir ou pour les conserver, soit que l'on enlève, soit que l'on retienne le bien d'autrui, et alors elle est opposée à la justice. Ainsi l'entendait le prophète Ézéchiel, 22, 27, dans ses paroles, « Les princes sont au milieu de la cité comme des lourds ravisseurs, cherchant à répandre le sang et poursuivant avec avidité un gain inique. » L'autre excès, restreint au sentiment de l'âme, consiste seulement à désirer les richesses avec trop d'ardeur et à les aimer avec trop de complaisance, sans vouloir cependant dérober le bien du prochain, et, dans ce sens, l'avarice est opposée à la libéralité, qui modère notre affection à leur égard. Ainsi l'entendait l'apôtre, en écrivant, que, nos frères aient soin de préparer l'aumône promise, mais de telle sorte qu'elle soit un don offert par la charité, et non comme arraché à l'avarice. 2 Corinthiens 9, 5. Ce qui a lieu, ajoute la glose, chez celui qui, tout en donnant peu, regrette ce qu'il donne. 4. L'avarice est-elle toujours un péché mortel? L'avarice, contraire à la justice, est de sa nature un péché mortel, bien qu'elle puisse n'être qu'un péché véniel à raison de l'imperfection de l'acte. L'avarice, contraire à la libéralité, est aussi un péché mortel quand elle arrive à un degré tel qu'on ne craint pas, par affection pour les richesses, d'agir contre l'amour de Dieu et du prochain. Celle qui ne l'emporte pas dans notre cœur sur la divine charité est seulement un péché véniel. 5. L'avarice est-elle le plus grand des péchés? L'ordre des péchés s'établit à un double point de vue. L'un se tire de la nature des biens que l'on méprise ou dont on abuse, plus ils sont élevés, plus les péchés sont grands. Au premier rang sont les péchés contre Dieu, au second, les péchés contre la personne du prochain, au troisième, les péchés qui, comme l'avarice, tombent sur les biens extérieurs. L'autre ordre se prend de la nature des biens auxquels on s'attache d'une façon désordonnée. Moins ils sont élevés, plus les péchés contiennent de difformité, car il est plus honteux de devenir l'esclave d'un objet inférieur que de subir la dépendance d'un bien supérieur. Or, parmi les biens de l'homme, les choses extérieures sont au dernier degré. Elles n'égalent pas les biens du corps, à plus forte raison ceux de l'âme, encore moins les biens surnaturels. L'avarice, dont le propre est de nous en faire dépendre, revêt donc, à quelques égards, une plus grande difformité morale que les autres vices. Toutefois, la gravité des péchés devant être appréciée par les biens altérés ou perdus plutôt que par ceux auxquels on s'attache, on doit dire que l'avarice n'est pas, absolument parlant, le plus grand des péchés. Note. Les textes de l'Écriture, tels que ceux-ci, il n'y a rien de plus odieux que l'avare, rien de plus inique que l'amour de l'argent, Ecclésiaste 10, 9 et 10, considère l'avarice sous le rapport du bien qui subjugue notre appétit. Aussi l'Esprit Saint a-t-il soin d'ajouter que l'avare est une âme vénale, pour marquer qu'il expose sa vie à tous les périls, par de l'argent. Cicéron disait dans le même sens, rien ne dénote un esprit étroit et une âme vile comme l'amour de l'argent. Fin de la note. 6. L'avarice est-elle un vice spirituel? L'avarice n'est pas un de ces péchés charnels qui se consomment dans la satisfaction du corps. Saint Grégoire la compte avec raison au nombre des vices spirituels qui s'accomplissent dans une délectation de l'âme, parce que l'avare met son plaisir à considérer les richesses dont il est possesseur. Note. Ce vice tient le milieu entre les péchés purement spirituels qui, comme l'orgueil, cherche une délectation spirituelle dans un objet spirituel, et les péchés purement charnels qui demandent à des objets corporels une délectation absolument corporelle. Fin de la note. 7. L'avarice est-elle un péché capital? Nous appelons péché ou vice capital celui qui, à raison de la fin qu'il se propose, donne naissance à plusieurs autres. Or la fin la plus désirable est la béatitude, but suprême de la vie humaine. De là vient que plus une chose tient de la félicité souveraine, plus elle agit sur notre puissance appétitive. L'une des conditions du bonheur, c'est qu'il nous suffise, ou bien il ne satisferait pas notre appétit, comme le doit faire la fin dernière. Les richesses semblent nous assurer cette surabondance de félicité, en servant à acquérir toute chose, ce que l'Écriture exprime en disant, tout obéit à l'argent. Pour cette raison, l'avarice, qui consiste surtout dans l'amour de l'argent, prend rang parmi les péchés capitaux. 8. Les filles de l'avarice sont-elles la trahison, la fraude, les tromperies, les parjures, l'inquiétude, la violence et l'inhumanité? L'avarice, amour immodéré des richesses, tombe dans deux excès, elle retient avec trop de ténacité ce qu'elle possède, et elle met trop d'empressement à acquérir ce qu'elle n'a pas. De là l'inhumanité à l'égard des malheureux que, Par une dureté de cœur opposée à la miséricorde, les avares ne secourent point. De là l'inquiétude qui leur inspire une sollicitude superflue. D'après cette parole, l'avare n'est jamais rassasié d'argent. Ecclésiaste 5, 9. De là, dans les actes extérieurs, la violence pour acquérir le bien d'autrui. De là la ruse qui s'exerce, en parole, par les tromperies et par les parjures, en action, par la fraude et par la trahison, Judas trahit le Sauveur par avarice. Note. Le mensonge, le faux témoignage et le vol sont compris sous ces vices. Quand Aristote fait émaner de l'avarice la parcimonie, la ténacité, la lésinerie, la minutie, les gains honteux, il en énumère les diverses espèces plutôt que les filles. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.